Ne cherchez plus, c'est 90.7. Alors, comment allez-vous, messieurs, dames? J'espère que tout se passe bien pour vous. Nous sommes le mercredi 9 septembre 2015. Ça, c'est pour vous prouver qu'on est en direct. Il est 20h passées de 1 minute. Vous êtes présents sur 90.7 pour la radio. Vous êtes présents, je l'espère, très, très, très nombreux sur www.rigfm.fr pour tous ceux qui habitent déjà à Bordeaux ou Blanquefort, puisque nous émettons depuis Blanquefort, mais également la France, l'Europe, le reste du monde, et puis peut-être dans l'espace, on ne sait jamais. C'est la saga des Fab Four, la saga des Fab Four numéro 265 que j'ai le plaisir de vous faire aujourd'hui. L'album de la semaine, c'est All Things Must Pass, avec George Harrison évidemment en maître de cérémonie, qui a sorti cet album en 1970. On écoutera l'éternel My Sweet Lord, il y aura Wah Wah qui n'est pas le crin à chien, mais la pédale wah-wah pour les guitaristes, vous savez de quoi je parle. Il y aura The Art of Dying, I Live For You, qui a été rajouté lors de la réédition en 2000. En 1970, cette chanson a été restée en dehors, c'est bien dommage. Il y aura Isn't It a Pity et All Things Must Pass. Mais il y aura également du Ringo Starr. Alors Ringo Starr, cette semaine, en association 3 fois sur 4 avec quelqu'un. Par exemple, Ringo Starr et Willie Nelson pour Write One For Me sur Ringo Rama en 2003. Pour John Lennon, ce sera Going Down on Love sur Walls and Bridges en 1974. Et pour McCartney, Pipes of Peace, celui qui va ressortir le 2 octobre. Je vous dis, allez l'acheter, parce que c'est vraiment extraordinaire. McCartney qui ressort un album avec un son remasterisé pur, génial. Il ressort Pipes of Peace et il ressort également Tug of War. Les albums respectivement, on va le dire à l'envers, Tug of War de 82, Pipes of Peace de 83. Moi, dès le 2 octobre, je cours chez mon vendeur de disques et j'achèterai ça. Et puis pour les Beatles, il y aura I Saw Her Standing There. On commence tout de suite en 1970. Celui qui fait la surprise, ça n'est pas John, ça n'est pas Paul, ça n'est pas Ringo, c'est George, avec ce tube international, interplanétaire, sidéral, My Sweet Lord sur RIG. Bonne soirée. Je le dis souvent, et c'est plutôt vrai, lorsqu'on dit à un quidam traditionnel, lambda, comme on dit, est-ce que tu connais des chansons de George Harrison après la séparation des Beatles? Oh, la plupart du temps, on va vous répondre, ah, I got my mind set on you, ou alors My Sweet Lord. Eh ben voilà, c'est fait, on a écouté une des deux sur RIG. La collaboration Willie Nelson et Ringo Starr en 2003. In the corner of the bar, singing about a broken heart for hours and hours. By closing time, I face the fact that if I had a gift like that, I know that I could win her back. But there's some things I can't do. So now it's up to you. Write one for me. The perfect words together. Write one for me. A melody to last forever. I don't have the song, so if you please. For you to play a pretty song like yesterday. But that's not what I need to say to get her to love me. And I'm too scared to tell her so. So if you'd be my secret love and send to her a tune I know that she will change her mind. Take a little she John Lennon sur RIG dans la saga des Fab Four. En 1974, le titre du morceau Going Down on Love. L'album, c'est Walls and Bridges et c'est la chanson qui ouvre l'album. Il nous offre, John Lennon, en levée de rideau sur l'album Walls and Bridges, une interprétation émouvante mais contenue d'une chanson qui pourrait pratiquement être sous-titrée La balade du week-end perdu. Et oui, parce que c'est à ce moment-là que John et Yoko se sont séparés pendant un peu plus d'un an, je crois. J'ai pas les dates exactes parce que les amours entre John et Yoko, ben je les laisse à John et Yoko. Je m'intéresse plus à la musique de John qu'au reste. Mais pendant ce temps-là, eh bien, John, lui, qui est sincèrement amoureux de Yoko Ono, se sent mal, se sent vraiment très très mal. Et puis, ben, il l'évoque dans ses chansons-là. D'ailleurs, tout l'album entier est une sorte de supplique longue et piteuse adressée à Yoko pour qu'elle le sorte de l'abîme. Il y a une touche de nostalgie dans le premier vers. Rien ne va nulle part. Pourtant, d'un point de vue créatif, Walls and Bridges va beaucoup mieux que la plupart des albums que John a réalisés alors qu'il était moins malheureux. Cette chanson-là, donc, est une chanson triste, il y en a d'autres. Et puis, il y a des chansons un petit peu plus relevées, comme What You Got et tout ça. Mais What You Got, qu'est-ce que c'est ? You don't know what you got until you lose it. Tu ne sais pas ce que tu as tant que tu ne l'as pas perdu. Il est vraiment mal, monsieur John Lennon. Allez, on revient à 2015, je vous l'ai dit tout à l'heure en levée de rideau. L'album ressort, l'album Pipes of Peace, en exclusivité pour RIG. Voici la chanson Pipes of Peace, le remaster de 2015. I light a candle to our love. In love our problems disappear. But all in all we soon discover that one and one is all we long to hear. Little children being born to the world, got to give them all we can till the war is won. Then will the work be done. Help them to learn songs of joy instead of burn, baby burn. Let us show them how to play the pipes of save this planet we're playing on. Is it the only one? What are we gonna do? Help them to see that people here are like you and me. Let us show them how to play the vibes of peace. Play the vibes of peace. Et là, en principe, on enchaîne sur la seconde chanson, mais pas là, puisque ça se termine. Et il faudra attendre le 2 octobre pour en savoir plus sur cette ressortie qui promet d'être très, très, très agréable aux oreilles. Je voulais vous parler, il faudrait que je finisse mes phrases. Je voulais vous parler de Lovely Rita. Lovely Rita habite en Angleterre et c'est grâce à elle que j'obtiens toutes les informations que j'ai sur son site Beatles Magazine UK. .com, donc Beatles Magazine UK si vous préférez .com, vous pouvez savoir 24 heures sur 24 tout sur les Beatles, tout sur John, Paul, Ringo, George, mais tout également sur les animateurs, nous qui faisons la radio pour vous, qui faisons des émissions sur les Beatles comme Michael Honorato par exemple, hello, dans le New Jersey, qui fait son émission le lundi soir pour ceux qui se lèvent très tôt pour nous en France, le mardi matin à 4h du matin, je l'ai écouté mardi matin. Il y a également Kyle à Toronto, et puis c'est Beatles Mania, le nom de cette émission, c'est le mercredi après-midi. Et puis il y a mon pote Brooke Alpine aussi, de l'autre côté des États-Unis sur la côte Est. Et lui, il fait une émission qui s'appelle Come Together. Je vous le conseille, c'est le dimanche soir pour nous. Voilà, entre autres, il y en a beaucoup d'autres, mais je cite ces gens-là parce que je les écoute régulièrement et qu'ils font vraiment du très, très, très, très, très bon boulot. Voici les Beatles, et merci au Beatles Magazine, avec I Saw Her Standing There, la version de Free as a Bird, sortie en 1995. Well, she was just 17. You know what I mean. And the way she looked was way beyond compare. How could I dance with another when I saw her standing there? Standing There sur RIG, et vous pouvez nous retrouver sur Facebook sur le groupe La Saga des Fab Four. Vous saurez tout. Également, vous pourrez communiquer avec nous, avec moi, avec vous, entre vous, mettre les pochettes dédiées si vous le souhaitez, voir par exemple que Ringo Starr et Robert Plant ont chanté Happy Birthday à Jerry Lee Lewis récemment, puisqu'il a fêté ses 80 ans, Jerry Lee Lewis, et il fait son farewell tour, donc la tournée dans laquelle il dit au revoir, et c'est quand même une des idoles des Beatles, donc c'est relié, ils font partie du monde des Beatles, parce que ça fait partie des papas, si vous voulez, quelque chose comme ça, lui, Chuck Berry, et puis d'autres également. Et puis, vous saurez aussi, par exemple, que à partir de demain, si vous voulez écouter une autre radio aussi, mais pourquoi pas, hein, il y aura le spectacle We Love You Paul sur Radio Air Show, Show comme S-H-O-W. Entre 19h et 21h, ce sera jeudi 10 septembre, et je vous convie à l'écouter puisque ça parle de Paul McCartney. Merci pour cette info-là aussi. Je me dis merci à moi. Voici l'album de la semaine. L'album de la semaine, c'est George Harrison et All Things Must Pass sur RIG. Et le titre du morceau, attention, on va monter le son très très fort et on va danser, pourquoi pas. Voici Wah Wah. Oh, Une chanson que je me permettrai de dédier à Jean-Philippe Fab Four. Vous savez que c'est un grand fan de George Harrison. The Fabulous Four Saga, right here on your radio, with Thierry Gallet. Let's go back, back, back, back, back. There were bells on a hill, but I never heard them ringing. No, I never heard them at all, till there was you. There were birds in the sky, but I never saw them winging. No, I never saw them at all, till there was you. Then there was music and wonderful roses, they tell me, in sweet fragrant meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all, till there was you. Meadows of dawn and dew. There was love all around, but I never heard it singing. No, I never heard it at all, till there was you. Tcha-tcha, boum. Vous vous rendez compte quand même que entre 1963 et cette chanson Till There Was You et Wah Wah qu'on a écouté juste avant, ça date de 1970, il n'y a que 7 ans. L'évolution de la musique dans les années 60, c'est très très très impressionnant. Là, c'est comme si vous preniez une chanson de 2015 et une chanson de 2008. Il y a tellement plus de différence entre Till There Was You et Wah Wah qu'entre une musique de 2008 et une musique de 2015. Enfin, c'est mon avis. Et puis, comme c'est moi qui suis derrière le micro, c'est moi qui en parle et je le partage, cet avis. Voici donc un autre duo de Ringo Starr maintenant sur RIG. Le titre du morceau, c'est un 45 tours, enfin plutôt un single si vous préférez, que j'ai trouvé un jour complètement par hasard. L'album s'appelle For the Love of Harry, Everybody Sings Nilsson. Harry Nilsson également, évidemment, grand copain des Beatles et puis surtout de Ringo et puis de George par exemple. C'est sorti en 2008 et c'est un duo avec Stevie Nicks et le titre du morceau c'est Lay Down Your Arms sur RIG. Shoot so low. Once you see it's bad, you must say no, no. When you cannot sleep, you must ask yourself what for. See what it is, you can ask no more. Lay down your arms.

Restez bien à l'écoute du 90.7 pour ceux qui écoutent sur la bande FM RIG, mais également sur www.rigfm.fr pour le reste du monde, parce que voici venir l'album de la semaine, The Art of Dying. Ensuite, il y aura quelqu'un, l'un des quatre, qui reprend une chanson d'Elvis, et c'est une chanson assez difficile à trouver. Je ne vous dis pas laquelle, je vous laisse découvrir. Restez bien accrochés, quel suspense. Pour l'instant, voici George Harrison en 1970 sur All Things Must Pass, et le titre du morceau, c'est Art of Dying. Animateur américain qui veut vous dire bonjour. Hello, this is Michael Honorato from Beatles Tonight. Hello, Michael. I'm listening to La Saga de Fab Four with Terry Gale from New Jersey here in the USA. Keep rocking, Terry. It's now or never. Come hold me tight. Kiss me, my darling. When I first saw you, with your smile so tender, my heart was captured, my soul surrendered. I've L'album est sorti en 1990. Le titre de l'album, c'est The Last Temptation of Elvis. Et Paul McCartney, il joue de ce morceau-là avec ses copains de l'époque. Et c'est bien, c'est plutôt très très sympa. Et c'est à écouter également pour une version de Viva Las Vegas de Bruce Springsteen. Exceptionnel, je vous le dis. Et tiens, puisqu'on parle de Paul McCartney, je vous offre aussi une petite exclue dans l'album qui va sortir, l'album Tug of War, le remix du mois d'octobre là qui va ressortir. Il y aura cette chanson là en plus. Je vous l'offre en avance. You better stop. You don't know where she came. C'est cadeau, c'est pour vous, c'est moi qui vous l'offre. C'est la saga des Fab Four sur RIG tous les mercredis ou presque le soir de 20h à 22h seulement sur cette radio www.rigfm.fr pour écouter sur Bordeaux ou dans le reste du monde si vous le souhaitez. Voici venir deux chansons de 64, quelle belle année, et de 65 respectivement, A Hard Day's Night et Help, Things We Said Today par les Beatles, doublé les Beatles avec It's Only Love juste après. You say you will love me if I have to go. You'll be thinking of me. Somehow I will know. Someday when I'm lonely, wishing you weren't so far away, then I will remember things we said today. Say you'll be mine, girl, till the end of time. These days such a kind girl seems so hard to find. Someday when we're dreaming deep in love, not a lot to say, then we will remember things we said today. Me, I'm just the say that love is love, and though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine. Girl, be the only one, love me all the time. Girl, we'll go on and on. Someday when we're dreaming deep in love, not a lot to say, said today. Me, I'm just the lucky kind, love to hear you say that love is love, though we may be blind, love is here to stay, and that's enough to make you mine. Girl, be the only one, love me all the time. Girl, we'll go. Say then we will remember things we said today. My oh my, when you sigh, my inside just flies. Butterfly, why am I so shy when I'm beside you? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Is it right that you and I should fight every night? Just the sight of you makes nighttime bright, very bright. Haven't I the right to make it up, girl? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Yes, it's so hard loving you. Loving you. Nous sommes sur l'album Help en 1965. John voulut composer avec It's Only Love un morceau optimiste et entraînant en utilisant les rimes et les images les plus banales qui soient. Il n'est donc pas surprenant que tout le monde ait trouvé qu'elle ne lui ressemblait pas du tout. Les paroles expliquent que sa petite amie éclaire sa nuit, mais que le track lui tord l'estomac parce qu'en réalité, il est amoureux. Il s'agit de l'une des rares chansons des Beatles que John détestait vraiment. J'en ai toujours eu honte, parce que les paroles sont abominables, reconnut-il en 1969. Il est d'ailleurs à noter que toutes les chansons que John regretta d'avoir composées étaient rejetées pour leur texte plutôt que pour leur mélodie. Les défauts de cette chanson peuvent probablement être imputé au délai dans lequel les Beatles durent produire les titres de la deuxième phase de l'album, à moins qu'il ne résulte simplement de l'état d'esprit de John au moment où il l'a composé. George Martin et son orchestre enregistrèrent une version instrumentale de It's Only Love qui fut publiée sous le titre de travail original que lui avait donné John, That's a Nice Hat, c'est-à-dire C'est un beau chapeau. I wait for the day. Yes, it's true. I live for you. for you. Chanson I Live For You, je vis pour toi, vous me permettrez de la dédier à Alexandra qui écoutera cette chanson un jour, j'espère. Et cette chanson a été rejetée de l'album All Things Must Pass en 1970 et c'est bien dommage. Et il a eu raison, George Harrison, de le remettre, de le rapatrier sur l'album quand il est ressorti en l'an 2000, remasterisé, parce que c'est vraiment une très très belle chanson. Nous arrivons maintenant à la 17e chanson, nous sommes à peu près dans les temps, pas trop en retard pour l'instant. Et je vous propose d'écouter la cover. La cover, c'est une chanson soit chantée par vous, si vous faites des covers, pourquoi pas, mais c'est obligatoire. Oh, j'ai du mal ce soir, j'ai mal à la tête. C'est obligatoirement une chanson que l'un des quatre, John, Paul, Ringo ou George, a chantée. Même si eux-mêmes, les Beatles, ont à l'époque fait une reprise, par exemple, de Chuck Berry, de Little Richard, ou que sais-je. Donc c'est ça la cover. Eh bien la cover, c'est Billy Preston qui s'en charge dans son album qui s'appelle Beatles Tribute, Beatles Salute. Pour être exact, voici Give Me Love, alias Give Me Love, Give Me Peace on Earth, sur RIG. Give me hope, help me cope with this heavy load, trying to touch and reach you with heart and soul. Oh Lord, my Lord, oh, please take hold. Understand you, won't you please, oh won't you give me love, give me love, give me peace on earth, give me life, give me life, give me life. Keep me, keep me free from birth, give me hope, help me cope with this heavy load, trying to touch and reach you with heart and soul. Oh Lord, my Lord, oh, please, please, please take hold of my hand. Oh yes, that I might understand you. Won't La saga des Fab Four, c'est sur RIG. Hello, this is Paul McCartney. Sur l'album Memory Almost Full, Paul McCartney et Dance Tonight, avec un clip un petit peu curieux. Le facteur arrive et amène une mandoline. Et Paul McCartney commence à y jouer. Et puis des personnages apparaissent, dont Nathalie Portman d'ailleurs, le chanceux. Et ça se termine dans une boîte, je ne sais pas plus quelle boîte, mais enfin bon, ça se termine différemment de ce que vous entendez sur le CD en tout cas. Mais c'est plutôt très très sympa. Nous revenons des années en arrière. Une des chansons que certains attribuent aux Beatles, mais non, ça a bien été composé par John Lennon après les Beatles en 1971. Ça aurait donné très très, ça aurait eu fière allure sur un album des Beatles, c'est sûr. Le titre du morceau, c'est Imagine, sur l'album éponyme. C'est John Lennon sur RIG. No hell below us. fashion t-shirt, stupid bloody Tuesday man. You've been a naughty boy and let your pace grow long. I am the Eggman. I am the Eggman. I am the walrus. Mr. City Policeman, city pretty little policeman in a row. See how they fly like Lucy in the sky. See how they run. Bon, alors là, c'est la version de Love, forcément, donc c'est encore pire que la version originale de 1967. Mais la surprenante longueur de la chanson, plus de 4 minutes et demie, et sa structure décousue, doivent beaucoup au fait que I'm the Walrus soit un amalgame de 3 idées différentes de chansons, sur lesquelles John travaillait à l'époque, sans qu'elle lui paraisse suffisante pour justifier un morceau entier. La première, inspirée par une sirène de police qu'il avait entendue dans le lointain depuis sa maison de Weybridge, commençait par les mots Mystery City Policeman et se poursuivait au rythme de la sirène. La deuxième était une chanson pastorale parlant de John dans son jardin de Weybridge, et la troisième un délire absurde dans la tradition du non-sens anglais où il est question d'être assis sur un flocon d'avoine. John déclara à Hunter Davis, alors qu'il poursuivait la préparation de sa biographie officielle des Beatles, « Je ne sais pas ce qu'elles vont devenir, elles pourraient tout aussi bien devenir des parties d'une même chanson. » D'après Pete Shotton, le catalyseur fut la lettre qu'il reçut d'un élève de l'école de Quarry Bank expliquant que l'un des professeurs d'anglais faisait analyser les chansons des Beatles à ses élèves. La lettre en question avait été envoyée par Stephen Bailey, qui reçut une réponse datée du 1er septembre 67, lettre qui fut vendue aux enchères par Christie's à Londres en 1992. La nouvelle amusa John, qui décida d'embrouiller de tels gens en composant une chanson remplie d'allusions incompréhensibles et incohérentes. Il demanda à Shelton de lui rappeler le genre de chanson que les enfants inventaient dans les cours d'école et écrivit Yellow Matter Cost Green Slop Pie all mixed together with a dead dog's eye, slap it on a body 10-foot thick, then wash it down with a cup of cold sick. Ça veut dire à peu près la crème anglaise jaune et gâteau à la pâtée vert mélangé avec l'œil d'un chien mort faisant un sandwich de 3 mètres d'épaisseur et fait le passer avec une tasse de vomi froid. C'est dégoûtant, oui, je vais pas aller beaucoup plus loin dans les paroles. John imagina ensuite des images absurdes, Semolina Pilcher, des pilchers en semoule, Elementary Penguins, des pingouins rudimentaires, et inventa des mots sans aucun sens, Texpert ou Crabblocker, avant d'ajouter une introduction qu'il avait écrite sous acide. Il mélangea tout cela avec les 3 chansons inachevées qu'il avait montrées à Hunter Davis. Voyons ce que ces connards seront capables de trouver là-dedans, avait-il dit à Pitcherton lorsqu'il eut terminé. 13 années plus tard, lorsqu'on lui demanda d'expliquer I'm the worst, John répondit que Dylan avait parfois frisé l'escroquerie dans ses paroles sans jamais se faire prendre et qu'il s'était dit qu'il pouvait le faire aussi. Le pingouin rudimentaire qui chante Hare Krishna dans une pique, et c'est une pique contre Allen Ginsberg qui à l'époque chantait le mantra Hare Krishna lors de ses lectures publiques. Voilà ce qu'on pouvait dire au sujet de cette belle chanson I am the worst. J'ai parlé assez longtemps, voici une très belle chanson qui dure 7 minutes 10. Isn't it a pity sur l'album de la semaine, qui est All Things Must Pass de George Harrison sur RIG.

Quelle grande chanson que celle-là, All You Need Is Love, 1967. On va essayer d'avancer dans la saga parce que sinon, on va être en retard. Et c'est pas mon style d'être en retard. Voici All Things Must Pass, mais chanté par les Beatles. Et juste après, il y aura la version de George Harrison, forcément. Sunrise doesn't last all morning. A cloudburst doesn't last all day. Seems my love is up and has left you with no warning. It's not always been this great. All things must pass. All things must pass away. Sunset doesn't last all evening. A mind can blow those clouds away. After all this, my love is up and must be leaving. It's not always been this great. Alors ça, c'est la version travaillée avec les Beatles par George Harrison. Et puis, puisque les Beatles ont dit « Bon, c'est bien, mais on va le mettre de côté », eh bien, George Harrison la ressort, retravaillée encore une fois, avec Phil Spector cette fois-ci, sur son album « All Things Must Pass ». La voici, la version. Cloudburst doesn't last all day. my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings and thankfulness for showing me the meaning of success. De John Lennon, de cette chanson Woman que vous pouvez retrouver sur l'anthologie John Lennon dans le disque Dakota CD4, la version donc des années 80, enfin de l'année 80, puisque malheureusement il n'ira pas plus loin. Et c'est une très très belle chanson. On continue avec John Lennon et cette chanson Real Love, John Lennon, mais aussi McCartney, Harrison et Starr sur RIG. 1996 et ce titre Real Love sur RG. On a le temps de passer un dernier titre avant de retrouver Eric et Johnny de A à Z. Et je vous ai choisi pour ce dernier titre quelqu'un qui se cache sous le titre de The Fireman. Et le titre du morceau, c'est Sun is Shining. Paul McCartney sur RG en 2008. Thank you. voilà. Et puis on reprend, même en 2015-2016, les bonnes vieilles habitudes. Il est 22h passé de 2 minutes. Dans quelques instants, Eric vous dira tout sur Johnny de A à Z avec un album de Johnny, forcément. 73 l'album, je crois. Tu vois, j'ai bien lu sur ta page 1973, il va tout vous raconter. Et ce sera dans quelques instants. Merci à tous. Je ne suis pas là la semaine prochaine pour des raisons personnelles, mais on se revoit, je crois, dans 15 jours sans problème. Bonne soirée, à très bientôt. Bye bye.